Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 96. Des vaines observances. Il y citait des observances qui ont pour but d'obtenir la science sans l'étude, la santé, sans les secours de l'art, de connaître les événements heureux ou malheureux, de se préserver des maux par des paroles divines que l'on porte sur soi. 1. Les observances de l'art notoire sont-elles illicites? L'art notoire est illicite et inefficace. Il est illicite, parce que, pour acquérir la science, il prescrit des moyens qui n'ont pas été établis par Dieu, par exemple, l'inspection de certaines figures, l'articulation de paroles incomprises, lesquelles, comme le déclare saint Augustin, n'ont pas d'autre effet que de servir de symbole à des pactes ou à des alliances avec les démons. Il est inefficace, puisqu'on néglige les vrais moyens d'obtenir la science, à savoir, l'étude et l'enseignement. Le don de science n'est accordé ni à tous les hommes, ni à la condition de certaines observances. Le Saint-Esprit distribue ses dons comme il lui plaît. L'unique moyen de recevoir la science d'en haut, c'est de suivre, comme les jeunes Israélites, dans le palais de Nabuchodonosor, les saints préceptes de la loi divine. « J'ai eu plus de connaissances que les vieillards, disait David, parce que j'ai médité vos commandements. » Psaume 118, 100. Note. L'art notoire avait pour but de rendre savant sans étude ni travail. Il est bon d'acquérir la science, mais il n'est pas bon de l'acquérir par des moyens illicites. Interroger les démons, c'est un péché, non seulement parce qu'ils ne savent pas l'avenir, mais encore parce que c'est se mettre en relation avec eux. Fin de la note. 2. Les observances qui ont pour objet d'agir sur le corps, de rendre la santé ou de produire d'autres effets, semblables, sont-elles illicites? Il est permis d'employer les causes naturelles pour obtenir leurs effets propres, rien ne défend de recourir à celles qui peuvent amener un bon résultat, mais, quand il est manifeste que le moyen employé ne peut pas produire l'effet désiré, on s'en sert évidemment comme d'un signe, et non comme d'une cause, dès lors il exprime un pacte avec le démon. Note. Les démons, dit saint Augustin, sont attirés diversement selon leur génie par des signes conformes à leur fantaisie. Ils ne cèdent pas à l'attrait des aliments, comme les animaux, mais ils se laissent charmer, comme esprit, par certains symboles qui leur plaisent, par différentes sortes de pierres, d'herbes, de bois, d'animaux, de rites et d'enchantements. Fin de la note. 3. Les observances qui ont pour but de connaître la bonne ou la mauvaise fortune sont-elles illicites? Il y a, disait saint Augustin, des milliers d'observances qui sont des pactes avec les démons. En effet, ce que l'on appelle observance est considéré par les hommes comme le signe des événements heureux ou malheureux, et non comme la cause. Or ces signes, loin d'avoir Dieu pour auteur, ont été introduits par l'ignorance humaine, aidés du secours des démons qui s'efforcent de nous conduire à la frivolité. Toutes les observances vaines et superstitieuses sont des restes de l'idolâtrie, qui consultait les augures et qui croyait aux jours fastes et néfastes. Note. Remarquons-le, il n'y a pas de superstition à présager des événements dans leur cause, le médecin observe les symptômes qui annoncent la suite d'une maladie, l'esclave, à la vue de son maître irrité, craint les coups. La mère redoute pour son enfant la fascination d'un mauvais regard. Ce n'est pas ainsi que procèdent ceux qui se livrent aux vaines observances. Mais, dit-on, La plupart des hommes ont fait l'expérience qu'il est des temps, des lieux, des paroles qui signifient des événements heureux ou malheureux. On ne le nie pas. Ce qu'il y a de vrai dans les observances fut, dans le principe, l'effet du hasard, mais, dans la suite, les hommes y donnèrent leur confiance, et, depuis, les mauvais anges amènent artificieusement des événements nombreux qui les confirment, afin que les hommes, stimulés par la curiosité, soient enlacés de plus en plus dans les filets de l'erreur. Fin de la note. 4. Est-il permis de porter à son cou des paroles divines? Les paroles que l'on porte sur soi comme moyen curatif ou préservatif ne doivent ni impliquer l'invocation des démons, elles seraient superstitieuses, ni renfermer des mots inconnus. Il faut se défier des paroles que l'on ne comprend pas, ni exprimer aucune erreur. Dieu ne confirme pas la fausseté, ni être mêlé à des caractères, à des paroles ou à des pratiques incompatibles avec le respect qui est dû à Dieu. Il y aurait en tout cela de la superstition. Ces précautions observées, il n'est pas défendu de chercher du secours dans les paroles divines. Nous lisons dans le droit canon, lorsqu'on emploie des collections de plantes médicinales, il n'est permis d'y joindre ni observance, ni enchantement, il ne faut employer que des paroles et des signes divins, par exemple, le signe de la croix et l'oraison dominicale, afin que le Dieu créateur du monde et souverain Seigneur des hommes soit seul honoré. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.